Se fout du fromage blanc sur la gueule pour faire croire qu'il est une blanche, mais en fait c'est un sale gros cul puant de négro. Et les bicots qui savent pas ce que c'est que des blanches, ils payent pour enculer Blanchette parce qu'ils croient qu'elle est une blanche, mais en fait Blanchette n'est qu'une tapette à bicots. Il croit que c'est une vraie blanche, mais en fait c'est une négresse qui s'est foutu du fromage blanc plein le cul. Elle est bico, aime bien son cul plein de fromage blanc. Il croit que le fromage blanc c'est le jus du cul des blanches, mais en fait ce n'est que le fond de teint de Blanchette. Tapette à bico qui pour se faire du pognon fait croire qu'il est une blanche, mais en fait c'est qu'un sale négro déguisé en tapette à bico. Et les bico tout contents l'enculent dans son fromage blanc. Un pauvre blanc perdu encule Blanchette par erreur. Quel malaise, quel malaise. On devrait tuer Blanchette, tapette à Nico, le coinceux dans un coin à plusieurs. Saucisson, ce pédé à bico, ça éviterait que les blancs bourrés l'enculent par erreur, prenant le fromage blanc pour le jus du cul et